Donc là, on est dans un amphithéâtre de l'université de Mont-Saint-Aignan, université de lettres et sciences humaines. On est le mercredi 29 janvier 2020 et il y a une petite centaine d'étudiants et d'étudiantes qui sont réunis ici pour une AG, puisque la fac de Mont-Saint-Aignan est une de celles qui se mobilise dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites et puis pour bien d'autres choses. S'il vous plaît, ça serait bien qu'on commence. Merci. Alors, j'ai une toute petite voix, mais j'espère que tout le monde m'entend. Merci beaucoup d'être venu à cette année. Représenter rapidement pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière AG la réforme des retraites et pourquoi elle nous touche. La première chose à voir, c'est que le système actuel des retraites, il fonctionne quand même globalement assez bien. En France, on a un taux de pauvreté des seniors qui est de 7,5%, alors que la moyenne de l'Union européenne, c'est deux fois plus. En Allemagne, par exemple, c'est 18%. Donc on a un système de retraite qui permet à une grande partie des retraités d'éviter d'être dans la misère. La deuxième chose sur le système de retraite actuel, c'est qu'il est équilibré financièrement. Les projections de juin dernier, elles montraient qu'en 2070, jusqu'en 2070, le système était équilibré. Donc il n'y a pas d'urgence à réformer sous prétexte qu'on serait au bord du gouffre financier. Quoi. Après, la réforme sur la réforme, quels vont être les effets de la réforme? La première chose, c'est qu'il va y avoir une baisse des pensions. Selon les métiers, ça va aller de 15% à 40% par rapport au système actuel. Donc ça va être une baisse drastique des pensions pour tout le monde. La deuxième chose, c'est qu'on va devoir travailler plus longtemps. Pour notre génération, les étudiants d'aujourd'hui, ça va être au moins jusqu'à 67-68 ans, en fonction de l'évolution de l'espérance de vie, etc. Donc, travailler plus longtemps pour tous. Sur nous, les étudiants, l'impact va être majeur sans attendre la retraite. À la retraite, on va perdre des sous et on va devoir travailler plus longtemps, mais il va y avoir un impact bien avant. Parce que la première chose à voir, c'est que si les vieux travaillent plus longtemps, il y aura moins de place disponible pour nous, les jeunes, sur le marché du travail. Donc, dès qu'on a fini nos études, le marché du travail est saturé, et on a plus de chances d'être au chômage, et il y a plus de 20% de chômage chez les jeunes, ça va encore s'accroître. Et la deuxième chose qu'il faut voir, au niveau de l'impact de la réforme sur nous, moi, ma grand-mère, elle est en EHPAD, ça coûte 2000 balles par mois. Avec sa retraite, elle ne peut pas financer toute seule l'EHPAD. Bah, c'est les parents qui l'aident pour payer ce qu'elle ne peut pas payer d'elle-même. Bah, quand mes parents sont vieux, ce sera à moi de payer pour eux. Si leur retraite elle est plus faible, bah, je devrais mettre plus de ma poche. Et donc, évidemment, ça va encore mettre sur délicatesse vis-à-vis de mes clients. Voilà, je ne veux pas accaparer la parole, donc je pense que je passe le tour de parole dans le champ de la présentation rapide de la réforme.